radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Salut à toutes et à tous, c'est Gaël et vous écoutez Zik Actu, votre magazine d'actualité musicale. Et ce soir, on va parler donc d'actualité, tout simplement, et aussi d'actualité concert, puisque vous aurez le droit à quelques concerts au Chélard très très prochainement. On en parlera très bientôt. Mais tout de suite, on va s'attarder autour d'un thème, en fait, les langages imaginaires dans la musique. Voilà, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je vous parle de ça. C'est un rapport avec les concerts qui vont avoir lieu au Chélard. Mais commençons tout de suite par Nosfell, un artiste que j'aime beaucoup et qui rentre donc à fond dans ce thème, puisque c'est un artiste qui a inventé sa langue. Donc Nosfell, par exemple, c'est le titre « Allage, lisse, allage ». Donc ça, si ça vous dit rien, dans aucune langue, c'est normal, c'est sa langue. Ça veut dire « là où repose ». On écoute Nosfell, c'est extrait de son album qui s'appelle aussi Nosfell, qui est sorti en 2009. Oh, Vous écoutiez Nosfell avec le titre Allage, Lys Allage, qui veut dire là où repose, dans le langage imaginaire imaginé par Nosfell lui-même. On continue autour de cette thématique des langages imaginaires avec un groupe gigantesque qui s'appelle Magma. Quand je dis gigantesque, c'est qu'il y a eu près de 150 musiciens qui sont passés dans Magma. Alors pas tous en même temps évidemment, mais depuis 1969, c'est un groupe qui est orchestré autour d'un batteur, compositeur, chanteur qui s'appelle Christian Vander. Ils étaient à Paris ce week-end et en fait c'est un groupe donc qui existe depuis 69. Faites le calcul, ça doit faire quelque chose comme, je sais plus, 40... Bon, je vous laisse calculer, là, j'ai eu un gros week-end. En tout cas, Magma, c'est un groupe qui compte énormément dans la musique post-rock et dans la musique expérimentale autour du rock et du jazz. Et donc, ce groupe chante dans une langue imaginaire, et donc imaginée encore une fois, cette fois par Christian Vander. Cette langue serait d'origine extraterrestre ou quelque chose comme ça. Bon, je vous laisse en juger. On écoute tout de suite un live de Magma, un live du titre Mécanique Commando. c'était Magma, et donc un enregistrement d'un titre bien barré, on va dire enregistré autour des années 70. Et donc voilà, avec toujours cette histoire de langue imaginaire. On continue dans cette exploration des langues imaginaires avec ce qui va nous rapprocher du Schellart cette fois, Étienne Perruchon. Alors Étienne Perruchon, c'est un compositeur qui lui aussi a inventé une langue inspirée des langues slaves, et donc cette langue s'appelle le dogorien. Et donc, il a créé des mélodies dogoriennes. C'est le compositeur aussi d'un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Le Magasin des Suicides. Voilà, un film que je vous conseille. Donc, il a composé des musiques de films. Il a aussi composé donc des morceaux en dogorien. Alors, c'est notamment le cas d'un album qui est sorti en 2010 qui s'appelle Chiki Dan. Et c'est pour cœur d'enfant, donc, en dogorien. On écoute tout de suite le premier titre qui s'appelle Cham Kil. C'était donc Étienne Perruchon avec du chant en dogorien. Si vous avez aimé, si vous voulez entendre ça directement en live, vous pouvez venir donc au concert qui se prépare au Schellart. Alors, pour être plus précis, c'est une grosse organisation qui s'est mise en place depuis le début de l'année. Et en fait, tous les enfants de CM1 et de CM2, des écoles publiques de Bourré, Arsens, Saint-Martin-de-Valamas, Le Schellart, Mariac, Dornas, Lénonnière et les 6e du Collège des Deux-Vallées ont répété ça, en fait, ont répété tout un concert autour des chants dogoriens. Et donc, vous vous proposez deux concerts. Le premier, ce sera ce vendredi 17 juin à 20h30 à la salle du Pont à Saint-Martin-de-Valamas. Et le second, ça sera pour la fête de la musique. Ça sera le mardi 21 juin à 19h au Théâtre de Verdure au Schellart. Et puis, s'il ne fait pas beau, ça sera à la salle de la Palisse. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous parler de tous ces musiciens qui ont inventé des langages imaginaires. C'était pour en venir là, pour la présentation donc de ces deux concerts, qui sont quand même des gros événements, puisque ça rassemble énormément de monde. Allez, peut-être à la louche, quelque chose comme 100-150 enfants. Et donc ça rassemble la communauté de communes Valérieux, les collèges, les écoles, Canopé et aussi le conservatoire Ardèche Musique et Danse. Donc je vous rappelle les dates, ça sera le vendredi 17 juin à 20h30 et donc à Saint-Martin-de-Valamas et le mardi 21 juin à 19h au Chélard. On continue avec des enfants aussi, ils ont 12 ans, donc je reste un peu dans la thématique. C'est pas du langage imaginaire cette fois, c'est une composition d'un groupe de la Mastre, un groupe tout jeune parce que la moyenne d'âge donc est de 12 ans. Et ils ont composé leur première chanson. Alors voilà, c'est des élèves à moi et du coup je suis très fier de le passer à la radio. Eux aussi avaient très envie de passer à la radio, donc c'est une exclusivité internationale. C'est un titre des Flamtines, donc c'est le nom de leur groupe, Flamtines, et ça s'appelle T'oublier. On écoute tout de suite. J'ai refait le vide, je pensais que t'allais revenir. J'ai fait le ménage dans ma tête, tout mis aux oubliettes. Le passé s'efface, l'avenir se trace. Regardez en arrière, j'ai bien trop souffert. Te dire mes émotions, mes soupirs. T'oublier, t'oublier. C'était bien le temps où tu étais à mes côtés. Tu étais pourtant ma destinée, mais tu m'as quittée. Je t'aimais et je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimais et je t'aime et je t'aimerai. Parfois, la vie est belle, elle n'en est pas moins cruelle. De ma mémoire, j'aimerais à tout jamais t'effacer. Le bruit de tes pas, comme le chant des souvenirs. La neige a fondu, ton amour avec. T'aimer est facile, t'oublier impossible. Tu m'as appris à t'aimer, pas à t'oublier. C'était bien le temps où tu étais à mes côtés. Tu étais pourtant ma destinée, mais tu m'as quittée. Je t'aimais et je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Voilà, c'était les Flamtines de la Mastre. Donc ça a été enregistré un peu vite fait, pour être honnête, au collège de la Mastre. Donc c'est pas dans un grand studio professionnel, mais voilà, je trouvais que le résultat était plutôt sympathique. Donc ça me fait plaisir de les passer, tout simplement, les Flamtines. Vous pourrez certainement très bientôt retrouver leur clip sur YouTube en tapant Flamtine, F-L-A-M-T-2-E-N, et le titre du morceau T'oublier. Et je pense que le clip va être exceptionnel. En tous les cas, moi j'irai le voir dès que ça sera en ligne. Voilà, on referme un peu la parenthèse sur les concerts qui vont avoir lieu et puis sur les groupes, les jeunes groupes, pour maintenant repartir sur l'actualité, sur les sorties de disques et les sorties de singles, tout ça. On va commencer tout de suite par un single de Mathieu Bogarts qui vient de sortir et qui est en duo avec Blic Bassi. Blic Bassi, on en parlera tout de suite après. Le titre s'appelle I Love You, il est très chouette. J'aime beaucoup Mathieu Bogarts et là en plus c'est un très beau duo. On écoute tout de suite Mathieu Bogarts et Blic Bassi. Kadunkun, tak, kadunkun, tak, tak, kadunkun, tak, kadunkun, tak, tak, kadunkun, tak, kadunkun, tak. It's a long time, I don't know if you know. I am sitting, yes I am, looking for to know. If you do like me too, if you really feel the same. Do you like me to like you, comme moi je vous aime. I love you, do you love me? I love you, do I love you, do you love me, do I love you, do. Do you know, I don't know, do you know how much I care, care of you, I do so, je ne sais pas si je suis clair. You know what, don't you see, don't you feel it in the air, it is me, les amis, and I'm ready to declare. I love you, do you love me. I'm not sure, mon amour, je ne connais pas bien l'histoire. Je ne sais pas quand elle court, je ne sais pas si je peux la croire. I'm not sure, ça c'est sûr, que tu m'aimes et puis c'est tout. I'm not sure, mon amour, d'avoir toujours rendez-vous. Benga ki membe menun wetiri ombi lusame. I love you. Benga ki membe menun angemwe mombi poroswe. Tiri on vilos kame, I love you. Benga ki membe menu nange mwe mwambi poroswe, I love you. Voilà, donc on retrouve Mathieu Bogarts avec son parler anglais-français inimitable, une sorte de franglais, qui pratiquait déjà, il pratique ça déjà depuis un moment, depuis même 2005. Dans l'album Michel, il y avait un titre qui s'appelait Que You're New, donc il faisait à la fois du verlan et de l'anglais. Que You're New, ça fait donc New York. Et après, l'album suivant s'appelait I Love You aussi, en 2008, avec un côté très rythmique et puis ces jeux entre l'anglais et le français. Avec un accent volontairement français. Moi j'aime beaucoup Mathieu Bogarts, comme je l'ai déjà dit, et son dernier album date déjà de 2012, donc ça voudrait sûrement dire qu'il y a quelque chose qui se prépare de son côté, ce petit duo. Alors ce duo m'amène donc à un artiste que je ne connaissais pas du tout, Blic Bassi. Blic Bassi, il a déjà sorti quelques albums, le dernier date de 2015 et s'appelle Akko. A priori, il y en a eu deux. C'est un artiste qui vient de Yaoundé, donc du Cameroun. Et donc, on va en profiter pour découvrir cet artiste et écouter un extrait de son dernier album. L'album donc s'appelle Akko et le titre s'appelle Kiki. C'est parti pour Blic Bassi. Sangbai ngira koba, tera handi kumbai. Sangbai ngira kova, a tera handi kumbai. Sangbai abe a tera handi kumbai. Nyangbai ngira kova, a tera handi bonge. A tera handi kibo, a tera handi kibo. Nyangbai ngira kova, a tera handi bonge. Nyangbai iniga na wono kwo. Sol, ye mole, ni benga rebantele, ni benga rebantele, ni benga rebantele. Sol, ye mole, ni benga rebantele, tele, ki tembe kono kwo. C'était Bleak Bassi et c'est tellement bien qu'on enchaîne avec l'album qui suit dans, le titre qui suit dans l'album Wap Do Wap. Bye ibeyeni ikiba so teba bengere sol abe ayeni. Balalbe on batenie wa mulieni no ayile di bonbei bai so ikei ngimintong minan mi bon banan. Kubani hinda koyo koyo ni kwem kwem kwem biye jamjara onge babi hoyala kweani dilama ni gawo kweani tigwe bengi mkule dilama pen pepen la inge makubi minyuli pem pem ni mulu nam. C'était donc Bleak Bassi et on comprend tout de suite qu'ils sont faits pour s'entendre avec Mathieu Bogarts et j'espère que ça donnera plus qu'un morceau cette collaboration. On continue avec une chanteuse britannique, une chanteuse de soul qui a une famille originaire des Caraïbes qui s'appelle Laura, Laura Mvula. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et bah, elle sort régulièrement des singles un peu isolés comme ça, donc... sûrement il y a un album qui se rapproche aussi. Celui-ci est vraiment très beau, c'est un peu planant, ça dure un peu longtemps, mais il est très très beau, ça s'appelle Show Me Love, ça dure 6 minutes, et c'est 6 minutes de bonheur avec Laura Mvula. Another, I miss the morning, I then why does it hurt so bad? Cause the thing that we had seemed like everything. Never thought we would be torn apart by a change in the wind or a cloud in the sky. We were always, and you showed me love of the deepest kind, and I will never find another love like you showed me love. And now I see so bad, cause the thing that we had, it was everything. Never thought we would be torn apart by a change in the wind or a cloud in the sky. We were always, you showed me love of the deepest kind. I will never find another love. C'était Laura Mvula, du coup, avec le titre Show Me Love. Et oui, en fait, il y a bien un album qui se prépare, il est même tout prêt, il sort dans 3 jours. Il s'appellera The Dreaming Room et on en a déjà entendu 4 extraits. Et en fait, je vous avais déjà passé un extrait de cet album en duo avec Neil Rogers, le fameux guitariste funk dont je vous avais parlé à ce moment-là. Je ne vais pas me réétendre à nouveau sur la longue carrière de Neil Rogers qu'on a vu, notamment à côté des Daft Punk récemment. Donc ça c'était Laura Mvula et vraiment c'est très très chouette, j'attends l'album avec impatience et ce titre est un peu plus réconfortant parce qu'il va plus dans le sens de ce qu'elle avait sorti en 2013, l'album Sing to the Moon, donc un côté très planant, voilà, pas forcément très dansant, mais voilà, a priori ce que j'ai lu s'avère vrai, le prochain sera quand même plus dansant. À suivre. On va cette fois du côté d'une chanteuse française, même si elle chante en anglais. Elle s'appelle Jeanne Hadid. Et on en a pas mal entendu parler, on en a pas mal entendu sur les radios. Et en fait, j'étais un peu passé à côté, moi. Et puis, quand je me suis rendu compte que son album était produit par Dan Levy, c'est-à-dire le producteur de The Do, un groupe que j'adore, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écoute. Et du coup, il a été produit un peu à la même période que le dernier album de The Do, et ça se sent complètement. Et en fait, il y a vraiment une parenté entre cet artiste, Jeanne Hadid, et The Do. On sent bien ça dans le son, et en fait, elle les a accompagnés en tournée il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc c'est peut-être l'occasion de redécouvrir cet artiste. Moi, j'étais passé à côté. On saute directement à la dernière plage de son disque. Je trouve que c'est un morceau très marquant. Il s'appelle Suddenly. Suddenly you want more, want more. Suddenly you need more, need more. Now you just wanna do it, wanna do it, wanna do it again. Yeah, you just wanna try, wanna try, wanna try it again. Now you're wondering what it was, how you ever could be so close. Now you just wanna do it, wanna do it, wanna do it again. Yeah, you just wanna try, wanna try, wanna try it again. Secret, some will go away. Vous écoutiez Jane Edid. C'est une chanteuse qui a quand même une sacrée carrière et un sacré bagage au niveau des études aussi. En fait, c'est une chanteuse qui a donc étudié le chant lyrique au Conservatoire de Paris et le violoncelle aussi. Donc non seulement à Paris, mais aussi à la Royal Academy of Music de Londres. Donc c'est déjà une belle carrière. Et quand même, c'est une des rares artistes qui peut se targuer d'avoir à la fois été nommée aux Victoires du Jazz en 2011 et aux Victoires de la Musique en 2016. On en avait un peu parlé à cette occasion, d'ailleurs. C'est quand même pas rien. Elle a fait une belle transition dans sa carrière. Elle est passée du jazz aux musiques actuelles. Et je trouve que ça lui a réussi vraiment bien. Elle a une très belle voix. C'est très maîtrisé. La production est impeccable, comme à chaque fois avec Dan Levy. Et vraiment, je vous conseille d'écouter cet album. Il s'appelle Be Sensational. C'est sorti en 2015. Et donc, c'était Jane Edid. On va encore retraverser la Manche. C'est ce qu'on fait souvent dans cette émission. On voyage beaucoup. Et cette fois, on retourne en Angleterre. On y va assez régulièrement d'ailleurs. Avec un groupe qui s'appelle Metronomy, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Ils avaient sorti un premier single de leur album, enfin de l'album qui va sortir très prochainement. C'était très très old school. Ça s'appelait d'ailleurs peut-être bien old school, quelque chose comme ça. Et c'était assez rigolo, mais pas forcément exceptionnel. Là, le nouveau single qui vient de sortir, je le trouve très très bon. Ça s'appelle Back Together, et donc c'est Metronomy. I remember when I met you, we had a right old guess. And now I'm telling you the truth, we should have made that last. Less. Look at this picture, how well it's framed. I'll need your credit card and maiden name. I remember when I met you, we had a right old guess. You and I have got to get back together. Hey girl. Me? Yeah, you. I've been loving what I see you do at grad school. Perhaps you'd come to lunch with me. I'm sure I'll find some time inside my diary. Now, let's see. Yeah, Monday looks quite good to me. Monday looks quite good to me, too. I'll see if I can book us a table someplace really, really good. C'était Métronomie avec le titre Back Together, un morceau encore assez old school, mais pour, à mon sens qui fonctionne beaucoup mieux que le premier single, avec son riff déstructuré et puis ce côté complètement bipolaire où le chanteur chante avec lui-même, il dialogue avec lui-même, un coup en voix de poitrine, un coup en voix de tête, avec ce dialogue complètement absurde. Moi, il m'a bien plu ce titre. On attend donc l'album qui sortira le 1er juillet et qui s'appellera Summer 8. C'était donc Métronomie. On continue avec des stars internationales. Même si Métronomie, c'est pas loin non plus. Cette fois, c'est donc du côté des États-Unis qu'on va, avec les Red Hot Chili Peppers qui sortent un nouveau single. Il n'y a rien de très étonnant là-dedans, mais enfin, dans le son que vous allez entendre, vous allez voir, c'est convenu pour les Red Hot, mais ça fait toujours du bien d'entendre ce son qui, quand même, leur est propre. Ça s'appelle We Turn Red, Red Hot Chili Peppers. Les Red Hot Chili Peppers qui se préparent à revenir dans quelques jours seulement. Ils sortiront donc leur 11e album, ça s'appelle The Getaway. Et donc ils nous gâtent avec un petit extrait, un petit single qui sort quelques jours avant la sortie de l'album. Donc vous voyez le son, on se retrouve, enfin au niveau de la guitare et au niveau des habitudes des Red Hot, on n'est pas hyper surpris. Par contre, au niveau de la production, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très nouveau. C'est qu'en fait, ils ont travaillé avec le producteur de Radiohead. Donc Radiohead, les Red Hot Chili Peppers, ça fait quand même un grand écart. Mais du coup, ça devrait apporter quelque chose de très nouveau dans leur son. Ce producteur s'appelle Nigel Godrich, pour votre culture générale. On finit cette émission avec un titre en français, tiens. Un groupe, là on est vraiment dans la découverte totale parce que c'est un groupe qui est très très peu connu, qui s'appelle Intérieure Nuit. Et puis on va finir en français avec du rock français. Comme on n'en fait plus, un groupe qui s'appelle, je le répète, Intérieure Nuit, et le titre c'est Vers l'Ouest, extrait d'un EP, 3 titres qui viennent sortir. Ça c'est vraiment une exclusivité, vous entendrez ça presque nulle part ailleurs. C'est parti. Du soleil marron, du printemps provençal. Des souvenirs en bouteille au grand départ vers l'ouest. La route de l'Atlantique en mars, c'est un peu comme une fuite en courant qui s'échoue tristement dans la mer. Et les fantômes du sud se suivent dans la nuit. Rideaux de pluie normande et réveil abruti. La Manche en avril, c'est un peu froid, c'est un peu triste aussi. Comme un tableau blanc gris qui nous gèle les doigts. Dans le froid cinglant de l'hiver estival qui frappait Paris en plein cœur du mois d'août. Paris-Belgrade sous la pluie, c'est un peu comme traîner avec soi toute la Normandie accrochée à son bras. Et du bruit dans les rues d'un lendemain qui chante. Sur le soir, les rires s'abandonnent, puis tout redescend en murmures incessants. Quand le jour surprend comme personne, sourd, parmi les sourds, parmi le vent. Soleil différent des berlines fatiguées. Florissant de souvenirs, les images qui défilent en bas d'un orange aquarelle abîmé, escopié se sublime dans l'orage. Entre deux lignes d'oubli, l'abandon du chagrin, défilé fait joli, futile et transitoire. Il t'a poussé des ailes quand moi je prenais du retard. Il t'a poussé des ailes quand rien ne valait plus rien. Au rendez-vous des disparus tard dans le soir. Des souvenirs en bouteille au grand départ vers l'est. Paris-Belgrade sous la pluie, c'est un peu comme traîner avec soi toute la Normandie accrochée à son bras. Et j'écoutais vos silences de lendemain qui danse, mais ne le répète à personne. Riant doucement, visages absents, aux brillants esprits qui rayonnent, fous, parmi la foule, parmi l'instant. C'était donc un groupe qui s'appelle Intérieure Nuit, et non, il n'y a pas que les casseurs-flotteurs en Normandie. Voilà, j'étais en Normandie pour un week-end prolongé, je vous ai ramené ce petit souvenir, c'est un groupe vraiment très peu connu, qui vient juste de gagner un concours, un tremplin dans la SMAC, dans la salle de musique actuelle, de Château du Loir, dans la Sarthe. Voilà, donc je vous conseille en tous les cas l'écoute de cette EP, 3 titres. Je trouve que c'est dans la lignée du rock français, et ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils viennent de sortir. Il est presque 21h et il va falloir rendre l'antenne. Je pense qu'il ne manque plus qu'un petit jingle pour me le confirmer, mais tout à fait, j'entends cette douce mélopée de batterie qui me fait dire qu'il est l'heure de rendre l'antenne. Je me répète énormément, mais c'est pas grave, c'est la fin de l'émission, je suis un peu fatigué. Je vous souhaite donc une excellente continuation, écoutez bien de la musique, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt.